Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. C'était un gentleman, jusqu'au bout des ongles. Complet sombre, à fines rayures bleues, cravate rouge, chemise bleue sur une silhouette mince, dégingandée et légèrement voûtée. Et puis surtout ce long visage osseux, à l'expression mélancolique où brillait un regard clair, mais froid. Et enfin, cette chevelure crantée, tout juste un peu longue, séparée à gauche par une impeccable raie. Un gentleman, oui, familier de Buckingham Palace, chevalier de la couronne, mais aussi commandeur dans l'ordre de notre Légion d'honneur. Et pourtant, Sir Anthony était aussi un espion. L'un de ces cinq magnifiques de Cambridge, comme on les a appelés, cinq traîtres, issus de la meilleure société, et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les années qui ont suivi, ont rendu d'immenses services aux soviétiques. Monsieur X a déjà évoqué cette affaire en s'intéressant en particulier au plus flamboyant d'entre eux, Kim Philby, un personnage qui semble tout droit sorti d'un roman de John le Carré. Mais il est resté très discret sur Anthony Blunt, grand historien d'art, conseiller de la reine et dont le rôle n'a été rendu public qu'à la fin des années 70. Il y avait pourtant longtemps que le service de contre-espionnage britannique savait toute la vérité sur Sir Anthony, qui aurait 100 ans aujourd'hui. Mais aucune poursuite n'avait été entamée contre lui. Ce n'est pas le moindre mystère d'une affaire dont tous les secrets n'ont pas été totalement révélés. L'occasion pour Monsieur X de revenir sur un dossier sur lequel flotte un parfum de scandale typiquement british, mêlant sexe, politique et trahison. 'Cause he gets up in the morning, then he goes to work at nine, and he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built on punctuality, it never fails, and he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls a mane, and she stirs a tea with councillors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he likes his own backyard, and he likes his bags the best, 'cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best, and he hopes when bacon passes on, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he plays a song to Charles, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her, but his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about. so conservative. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Une récente et très précise biographie d'Anthony Blunt évoque les doubles vies de ce gentleman espion. Et c'est en effet ce qui frappe quand on se penche sur l'existence de cet homme. Il y a d'une part un parfait produit de la bonne société britannique, un esthète passé par les écoles les plus prestigieuses du royaume, un historien de l'art dont les travaux font autorité et qui va personnellement veiller sur les collections de la famille royale. Et de l'autre, il y a un personnage ambivalent qui boit sec et dissimule autant qu'il le peut son homosexualité. Ah oui, surtout à une époque où les mœurs sont encore très corsetées. Si dans ce domaine, oui, depuis l'ère victorienne, rien n'a vraiment changé. Et puis il y a l'autre part d'ombre de Blunt. Ouais, l'espion. En effet. Un espion qui, il faut le dire, d'emblée a trahi au moins au début par idéalisme. Ah oui, pas pour des raisons vénales. Oh, si rarement les soviétiques ont rétribué ses services, c'était de toute petite somme. Ouais, autre question, là, homosexuel. Blunt aurait aussi pu faire l'objet d'un chantage. C'est vrai, mais il ne semble pas que ses officiers traitants successifs aient exploité ce filon. Alors que les agents du KGB n'ont jamais hésité à utiliser les affaires de meurtre pour recruter des taux. Oui, oui, mais enfin, dans le cas de Blunt, ce n'était pas nécessaire, parce que son engagement était sincère. Mais on va y revenir. Ce que je voudrais simplement vous dire, pour commencer, c'est que, dans cette affaire, il y a une histoire dans l'histoire. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je m'expliquerai. Disons brièvement que si la trahison de Blunt ne fait aucun doute, on peut se demander si le fait qu'elle ait été si longtemps occultée ne cachait pas autre chose. Et pourquoi Margaret Thatcher a cru bon de révéler l'affaire peu de temps après son accession au pouvoir. Ouais, c'est effectivement étrange. Mais alors, par où voulez-vous commencer? Par la jeunesse de Blunt. Je résume à grands traits. Anthony est le troisième fils d'un modeste pasteur. Cependant, par sa mère, il est apparenté de façon lointaine à la famille royale. Sa mère était en effet une cousine germaine du père de la future reine Elisabeth II. Oh là là, c'est compliqué ça. Ouais, enfin, en tout cas, malgré la relative pauvreté de ses parents, le garçon commence ses études dans une public school renommée. La discipline est impitoyable, les conditions de vie très dures. Mais le jeune Anthony rafle les premières places et obtient une bourse pour aller étudier au célèbre Trinity College de Cambridge. Ouais, Cambridge qui va être le creuset de la formation des futurs cinq magnifiques. Hein. Exactement, ouais. Tout a commencé là. Mais restons-en pour le moment au seul cas de Blunt. Étudiant en lettres modernes, ce talentueux jeune homme rejoint alors ce que l'on appelle le groupe de Bloomsbury. Ouais. Ça vous dit quelque chose, bien sûr. C'était une sorte de cercle d'artistes et d'intellectuels où l'on trouvait en particulier Virginia Woolf. Et bien d'autres beaux esprits, oui. Des intellectuels qui veulent rompre avec leur époque dans tous les domaines, artistiques naturellement, mais aussi religieux, social et sexuel. Oui, des contestataires, moi. C'est ça. Ouais. Et Blunt se sent particulièrement à l'aise dans le groupe de Bloomsbury qui existe à Cambridge. Et un peu plus tard, il est admis dans un autre cercle très influent, propre à la prestigieuse université, les Apôtres. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Une société en principe secrète. En fait, c'est un cercle de discussion un temps présidé par le futur économiste Keynes, où l'on n'entre que très difficilement. Ah ouais. Il s'agit alors d'une reconnaissance pour Blunt. Hein. Une reconnaissance sociale et intellectuelle incontestable. Dans le petit monde de Cambridge, Blunt, brillant causeur, est déjà quelqu'un qui compte. J'ajoute que parmi les apôtres se trouvent beaucoup d'homosexuels. L'écrivain John Foster, par exemple. Ouais, c'est un milieu idéal pour Blunt. Hein. D'autant que le jeune étudiant vient de trouver sa véritable vocation. L'art, ou plutôt la critique et l'histoire de l'art. Blunt, qui a vécu une partie de son enfance à Paris, où son père était le pasteur de la communauté anglaise, s'est en effet entiché d'un peintre français. Nicolas Poussin. Un des grands peintres du siècle de Louis XIV. Hein, mais injustement sous-estimé et même méconnu à l'époque moderne. Blunt va donc s'attacher à le sortir de l'ombre et devient peu à peu le meilleur connaisseur international de l'œuvre de ce peintre. Il rédige d'ailleurs au début des années 30 une thèse fort brillante sur Poussin, ce qui lui vaudra après l'obtention d'une nouvelle bourse de faire ses débuts de conférencier à l'Institut Courtauld, le premier établissement artistique du genre à être créé en Grande-Bretagne. Et en même temps, il écrit des critiques dans un journal spécialisé. Ah, voilà donc lancé. Alors, venons-en à ce qui nous intéresse plus particulièrement. En ces années-là, sous l'influence de quelques professeurs, le milieu universitaire de Cambridge penche franchement à gauche. Et certains étudiants sont même devenus des marxistes convaincus. J'imagine que La montée des totalitarismes en Italie, en Espagne, ne sont pas étrangers à cette conversion. Hein. Ah, puis il y aura bientôt la guerre d'Espagne, et ça accentuera encore ces mouvements d'idées. Quelques étudiants décidant même de prendre leur carte d'adhérent du Parti communiste anglais. C'est le cas, par exemple, d'un homme qui va jouer un grand rôle dans l'existence d'Anthony Blunt, Guy Burgess. Ah oui, Burgess, qui sera l'un des 5 espions de Cambridge. Hein. Oui. Alors, un mot peut-être sur cet homme. Mm-hmm. Lui, à la différence de son grand ami Blunt, est un homosexuel qui ne dissimule pas ses préférences sexuelles. Ah ouais. Il aurait même tendance à les afficher et faire de la provocation. En outre, ce garçon érudit et exubérant a une conversation éblouissante. Mais il a un grave défaut. Il boit beaucoup trop. Et parfois, lorsqu'il est ivre, il se laisse aller aux confidences. Et pour un futur espion, ce n'est guère prudent, ça. Hein. Et dans son cas, c'est presque miraculeux qu'il n'ait pas été démasqué plus tôt. Mmh. Mais il réussira quand même à s'échapper à un mépris. Hein. Et on en reparlera. Mmh. D'accord. Alors, question annexe, là. Est-ce que Blunt et Burgess ont eu une liaison? Oh, c'est probable. Mais si elle a effectivement existé, elle a été très brève. Essentiellement parce que Burgess n'aimait que les passages. Ah ouais, les amours brèves. Mais très fréquentes. Ah. D'ailleurs, détail pittoresque, Burgess servira souvent de sergent recruteur au troupe réservé Blunt. Mmh. Rabatteur, quoi. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'une profonde amitié a lié les deux hommes. Une amitié qui ne se démentira jamais. Et pourtant, alors, si j'ai bien compris, hein, ils se ressemblaient fort peu, hein. Et politiquement, alors, est-ce que Burgess va avoir une influence sur Blunt? Décisive, oui. Lui est un étudiant de troisième cycle, James Klugman, un communiste encarté qui a beaucoup fait pour répandre les idées marxistes à Cambridge. En tout cas, et c'est le point essentiel, il existe là un terreau très favorable. Pour le recrutement d'espions? Ou au moins d'agents d'influence, car la plupart de ces jeunes gens sont issus des classes supérieures et lorsqu'ils quitteront l'université, ils accéderont à des postes importants. Et les services soviétiques ont très vite pris conscience de cette situation. Il faut ajouter qu'avant les grandes purges staliniennes, le NKVD et le Comintern disposaient d'agents remarquables. Des intellectuels cultivés, des représentants de l'intelligentsia européenne, souvent des juifs polyglottes. Et qui avaient tous adhéré au communisme par conviction. Autant de militants sincères qui seront ensuite décimés, mais tel n'est pas aujourd'hui notre propos. L'homme qui va être le grand recruteur de Cambridge s'appelle Arnold Dutch, un type très brillant qui parle couramment plusieurs langues et qui a obtenu un doctorat à Vienne. D'abord agent du Comintern, puis illégal du NKVD, Otto, tel était son nom de code, a d'abord repéré Kim Philby alors que ce dernier se trouvait à Vienne. Philby qui était alors lui-même déjà très engagé. Et qui avait même participé physiquement au combat de rue contre les nazis autrichiens. Un combat perdu par la gauche. Et après cette défaite, Philby et aussi Otto se sont repliés en Grande-Bretagne et plus particulièrement à Cambridge. Où Philby était étudiant encore. À Trinity College, comme Blunt, et c'est lui, Philby, sous l'autorité de Dutch, qui va opérer les premiers recrutements. Donald MacLean et Guy Burgess, par exemple, de jeunes hommes à qui l'on demandera de rompre tout lien avec le Parti communiste. Oui, afin de ne pas éveiller les soupçons, j'imagine. Évidemment, oui. Philby se fera même engager dans un journal conservateur pour lequel il suivra la guerre d'Espagne du côté franquiste. Mais je poursuis. Quand Philby, Burgess, MacLean quitteront Cambridge, l'illégal du NKVD approchera Blunt. Et lui, Blunt, là, appartient-il au Parti communiste? Non, ce n'est pas son genre, si j'ose dire. Bon. Et qu'est-ce que ça signifie, ça? Il a clairement épousé les idées du parti. Il publiera même des articles rétrospectivement assez ridicules sur les qualités de l'art soviétique. Ah oui, le réalisme socialiste, oui, c'est ça. Oui, mais pour autant, il se garde bien de s'engager. Il y a là une sorte de dandysme d'artiste. La volonté de rester libre. Enfin, quoi qu'il en soit, lorsque Dutch l'approche, Blunt ne se dérobe pas. Bien sûr, l'agent du NKVD ne lui demande pas d'emblée de travailler pour les services soviétiques. Non, il s'agit d'œuvrer pour la paix et contre le fascisme. Et Blunt se laisse convaincre? Assez facilement, pour cet intellectuel qui mène déjà une double vie. Oui, la dissimulation de son homosexualité. Oui, donc pour lui, il y a certainement une forme de fascination pour cette autre vie qu'on lui propose. Et il est effectivement recruté par le NKVD. Et il va lui-même engager 3 autres étudiants, dont John Cairncross. Celui qu'on a appelé le cinquième homme. Hein, c'est exact. Ça, ouais. Mais on est alors en 1937. Blunt cesse soudain de travailler pour le NKVD. France Inter, rendez-vous avec X. Miranda Carter est l'auteur de cette passionnante biographie d'Anthony Blunt évoquée par Monsieur X. D'après cet auteur, Burgess, piloté par Arnold Deutsch, a joué un rôle prépondérant dans son recrutement par le NKVD. En témoigne ce passage. Pourquoi Burgess sollicita-t-il Blunt? Ce dernier n'était pas une cible évidente, ce n'était pas un communiste engagé. Il ne projetait pas d'entrer à la BBC ou au Foreign Office, et ses contacts ne présentaient pas non plus un intérêt particulier pour le NKVD. Néanmoins, ce recrutement avait une certaine logique. Deutsch cherchait quelqu'un pour exploiter l'engagement à gauche des étudiants de deuxième cycle de Cambridge après les départs de Burgess, Philby et MacLean. Il avait besoin d'un chasseur de tête et Blunt faisait l'affaire. Ce professeur avait déjà la réputation de fréquenter de brillants étudiants de gauche. Comme John Hilton l'avait bien perçu, Anthony avait un talent pour être le noyau entouré d'un nuage d'électrons. Il n'était pas associé de trop près à la cause, mais il était sensible aux idées de gauche. Burgess avait aussi suffisamment d'intuition pour se rendre compte que Blunt ferait un très bon espion. Il était déjà bien adapté au principe de la double vie. Il avait l'habitude de compartimenter son quotidien. Il était d'une réserve maladive. Il refoulait ses sentiments. Il se méfiait de l'intimité affective. Une partie de lui-même avait besoin de garder ses petits secrets. Au bout du compte, Blunt allait être ravi de jouer ce jeu qui consistait à vivre plusieurs existences séparées. Le livre de Miranda Carter, Gentleman Espion, a été publié par Payot. Et pourquoi Blunt, alors, cesse-t-il sa collaboration avec la NKVD en 1937, m'avez-vous dit ? Oui, c'est tout à fait indépendant de sa volonté. À Moscou, Staline, qui semble saisi d'une véritable folie meurtrière, ne cesse d'épurer. C'est vrai pour le Parti communiste, l'armée rouge et particulièrement les services secrets. Le petit père des peuples n'éprouve aucune sympathie pour ces intellectuels cosmopolites. Oui, qui en outre sont souvent juifs. Ça a dû jouer, bien sûr. Mais ce que Staline leur reproche essentiellement, c'est d'être des communistes internationalistes. Ah oui, alors que Staline, lui, veut en priorité édifier le socialisme dans un seul pays, l'URSS en l'occurrence. Et puis il est aussi dans les rangs des services secrets et du Comintern des bolcheviks de la première heure. Des hommes qui sont pour Staline des reproches vivants. Par conséquent, pour toutes ces raisons, le maître du Kremlin procède à des purges sans précédent. Et de ce fait, il désorganise les services. À Londres, par exemple, il n'y a plus de résidence du NKVD. Alors, tous ces agents-là, recrutés par Deutsch, sont abandonnés à eux-mêmes. En quelque sorte. Mmh. Ils n'ont plus de mentor, plus d'officier traitant. Et Blunt peut se consacrer entièrement à ses travaux et à sa carrière. En quittant à son tour Cambridge, il multiplie ses activités journalistiques et devient professeur dans cet institut Courtauld dont il sera plus tard le directeur. Mmh. Alors quand le contact est-il renoué avec les soviétiques ? En 1939 ou 1940, Moscou envoie un nouveau résident à Londres, un certain Anatoly Gorsky. Mmh. Et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale ne doit pas être étranger à cela, non ? Bien évidemment. Et c'est d'autant plus important que les cinq de Cambridge occupent maintenant des fonctions intéressantes. Des fonctions intéressantes pour le renseignement soviétique. Naturellement. Ouais. Burgess, par exemple, malgré ses excentricités, a réussi à se faire engager dans un département de l'intelligence service qui s'occupe de sabotage et de guerre psychologique. MacLean est devenu diplomate. Philby, lui aussi, travaille pour les services de renseignement où il s'occupe tout particulièrement du contre-espionnage extérieur au MI6. Enfin, Cairncross est secrétaire particulier d'un ministre qui préside de nombreux comités secrets. Ah, en effet. Alors, et Blunt, lui ? Eh bien, de façon tout à fait inattendue, il a été recruté par le MI5, c'est-à-dire le service de contre-espionnage intérieur. Et pas dans n'importe quel département. Blunt est affecté au service B, le plus secret, mais aussi le plus intéressant. Attendez, comment a-t-il atterri là ? Oh, ben, ce sont des amis de Cambridge qui ont proposé sa candidature. Attendez, des amis qui connaissaient ses affinités pour le communisme ? Absolument. Et qui n'ignorait rien de ses inclinations sexuelles, alors même que les officiers du MI5 étaient réputés plutôt homophobes. Mmh. Tout cela est quand même extravagant. Et puis, que pouvait apporter un professeur d'art à un service de renseignement ? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Vous pensez que Blunt n'est pas arrivé par hasard dans ce service secret ? Ben, vous avez dû y songer vous-même. Bien entendu. Désolé, je n'en sais pas plus, même si je soupçonne que cette affaire cache quelque chose. Quoi, l'intervention d'un Deus ex machina? Je le pense. Ah oui. À mon sens, ça explique une partie de cette affaire tortueuse. Bon, n'allons pas trop vite. Ça, je m'y attendais. Bah, c'est de votre faute, hein. Vous me connaissez trop bien. En tout cas, pour Moscou et le NKVD, c'est carton plein, si j'ose dire. Leurs petits protégés de Cambridge sont désormais formidablement bien placés et vont pouvoir leur transmettre des renseignements de première main. Eh bien, pourtant, il va se trouver à la direction du NKVD, ou même encore plus haut dans la hiérarchie, certains qui vont tordre le nez. Mais pourquoi alors? Ces dirigeants, dès qu'ils vont avoir connaissance de l'extraordinaire moisson récoltée par les espions de Cambridge, ils vont se méfier. Ah oui, ça leur paraît trop beau, quoi. Oui. Et la paranoïa stalinienne s'installant, ces hiérarques commencent à se demander s'ils ne font pas l'objet d'une intoxication des services britanniques. Et c'est ainsi que pendant un certain temps, les informations livrées par les taupes de Cambridge ne seront pas exploitées comme elles auraient dû l'être. Mais attendez, n'en a-t-il pas été de même, hein, lorsque l'agent Richard Saul a prévenu inutilement le Kremlin que les nazis allaient attaquer l'URSS. Hein. Vous avez raison. Et Sorg n'a pas été le seul à alerter en vain Staline, enfin passons. Ouais. Alors, à quel genre d'informations Blon, par exemple, a-t-il accès? Tout au long de la guerre, il va faire parvenir à Moscou des quantités impressionnantes de documents. Blunt s'occupe d'abord de la surveillance des services diplomatiques étrangers, certains étant noyautés par les nazis. Il faut prendre des contre-mesures. Mais Blunt a aussi connaissance des télégrammes ultra. Ah, c'est ça, les télégrammes allemands codés par la fameuse machine Enigma. Hein, c'est ça. Une machine dont les alliés ont percé le fonctionnement. Alors, grâce à Blunt, les soviétiques vont savoir que le chiffre allemand n'a plus de secret pour les Britanniques et les Américains. Et c'est très important, parce qu'on a beau être alliés, on se fait quand même des cachotteries. Ouais. Cependant, et c'est à mettre au crédit de Blunt, l'espion ne joue pas contre son camp. C'est-à-dire? Après tout, il communique des informations à un allié. Ah ouais, alors il n'a pas l'impression de trahir. Bon, c'est certainement ce qu'il doit se dire. Tant que la guerre dure, en tout cas. Parce que, dès la fin des hostilités, la guerre froide commencera. Hein. Aussi, Blunt demande-t-il, quelques mois après le débarquement, à ne plus travailler pour les services soviétiques. Ouais, mais le petit vous avait toujours dit, hein, que lorsqu'on entrait dans ce genre d'activité, on n'en sortait jamais tout à fait. C'est exact. Toutefois, il y a une manière d'en sortir. C'est de ne plus avoir d'informations à fournir. Ah oui, ça c'est radical en effet. Alors Blunt fait en sorte de s'éloigner progressivement du MI5. Mais comment alors? Il veut revenir à ses chères études artistiques. Et tout en travaillant encore à mi-temps pour les services britanniques, il revient à l'Institut Courtauld. Et en avril 1945, il est nommé conservateur de la collection royale. Poste qu'il occupera jusqu'en 1960. Ah, c'est un honneur, hein? Ah, certainement. Et quelques mois plus tard, Blunt quitte définitivement les services secrets. Donc il n'a plus d'intérêt pour Moscou? Plus beaucoup, non. Car ce n'est pas dans l'entourage royal qu'il peut glaner des renseignements intéressants pour Moscou. Cependant, à l'occasion, il rend encore des petits services. Ah, il n'a donc pas rompu? Non. Alors, quel genre de petits services, hein? Il sert parfois de courrier à son ami Burgess, qui travaille maintenant au Foreign Office. Mais ça, c'est le ministère des Affaires étrangères. Et Burgess sera ensuite l'assistant personnel du ministre, ce qui lui permettra d'avoir connaissance de dossiers très sensibles, et ne manque pas en ces années d'après-guerre. Mais quand vous parlez de courrier, c'est ça? Blunt sert parfois d'intermédiaire entre Burgess et son officier traitant soviétique. Donc, il n'en est pas vraiment sorti, hein? Et ce sera son ultime travail d'espion. Blunt vient en aide à ses amis de Cambridge à un moment crucial pour eux. France Inter, rediffusion de l'émission de Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Monsieur X, mais tel n'est pas son propos, a peu parlé du travail artistique d'Anthony Blunt. Aussi ai-je cherché un article rendant compte de l'une de ses œuvres majeures, un monumental essai sur l'art et l'architecture française entre 1500 et 1700. Et voici ce qu'en dit Anne-Marie Lecoq dans Libération. L'essentiel de la leçon reste toujours actuel et tient à la personnalité du pédagogue. Une sensibilité extrêmement aiguë, une capacité d'émotion devant les chefs-d'œuvre qui se ressent jusque dans l'écriture. Ingrédient plutôt rare dans les ouvrages de synthèse. La réussite de celui-ci tient en grande partie à ce ton personnel qu'on pourrait définir comme celui de la passion raisonnée. Blunt fait constamment alterner le discours historique et les descriptions détaillées des œuvres qui comptent et qu'il aime particulièrement. Cette série d'analyses exemplaires nous apprend à voir, que ce soit le Louvre de Lescaut, les paysages de Claude Lorrain ou le Milan de Crotone de Puget, il est rare, finalement, de trouver un grand historien de l'art aussi également sensible à la peinture, à l'architecture et à la sculpture. Dans ce dernier domaine en particulier, il faut lui savoir gré de ne jamais négliger de parler de l'emplacement, de la manière dont l'œuvre est vue de loin, de près et sous toutes ses faces. Dès 1948, le contre-espionnage britannique est persuadé de l'existence de Thaw. Mais pourquoi ? Parce qu'ont été mis en évidence des fuites d'informations classées au Foreign Office. Pourtant, et c'est très étrange, les contre-espions vont attendre 3 ans avant de se mettre en chasse. Mais alors comment expliquez-vous cela ? Encore l'intervention d'un Deus Ex Machina ? Bah, pourquoi pas ? Mais encore un peu de patience. Ouais. En 1951, l'éclaircie vient des États-Unis. Là-bas, on commence à décrypter des télégrammes Venona. Rappelez-vous. Oui, ça, très bien. C'était des messages soviétiques enregistrés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'avaient pu être décodés. C'est bien justement, au printemps 1951, un cryptographe américain vient à bout de cette difficulté. Et le nom d'une taube apparaît. Celui d'un certain Homer. Ouais, bien sûr. Mais les détails sur les activités diplomatiques d'Homer permettent de l'identifier. Il s'agit de Donald McLean, qui est alors le chef de la section états-unienne au Foreign Office. Et ce, malgré les nombreux esclandres qui ont émaillé sa carrière. Ouais, l'alcool, hein. Ouais, alcool, oui. Comme les autres taupes de Cambridge et bien d'autres espions qui boivent parce qu'ils sont soumis à un trop grand stress. Donald McLean est donc découvert. Alors que se passe-t-il ? L'un des premiers à le savoir est Kim Philby, qui, après avoir failli être nommé directeur du MI6, occupe alors une fonction très importante. Il est en effet chargé de faire la liaison entre la CIA et les services britanniques. Et pour une taupe, c'est pas mal. Alors, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Philby va naturellement avertir McLean via son ami Burgess. Parce que McLean n'est pas immédiatement arrêté ? Non. Pour les Américains, il faut à tout prix préserver le secret du décryptage des messages Venona. Pour avoir le temps de remonter les pistes. Et d'identifier d'autres taupes. Ceux en particulier qu'on a appelés les espions atomiques et qui ont donné la bombe A aux soviétiques. En tout cas, McLean dispose donc d'un peu de temps avant d'être arrêté. Un temps précieux qu'il va mettre à profit pour préparer sa fuite. Sa fuite en URSS. Hein, et il sera accompagné par Burgess qui, lui aussi, se sent menacé. Mais... Et c'est ce qui compte dans cette histoire, c'est que Blunt va donner un sérieux coup de main à ses deux amis. Et c'est même lui, après leur départ, qui ira vérifier qu'ils n'ont rien oublié derrière eux. Rien de compromettant. En tout cas, cette fuite parfaitement organisée provoque un vrai scandale en Grande-Bretagne où les services secrets sont mis sur la sellette. Et après cette humiliation, enfin, j'imagine qu'ils vont essayer de prendre leur revanche. Et tout faire pour découvrir d'autres taupes. Presque naturellement, Tony Blunt figure parmi les premiers suspects. Oui, à cause des relations privilégiées qu'il entretenait avec Burgess. Bien entendu. Et puis, il y a le passé crypto-communiste de Blunt. Ouais, il est bien temps de s'en souvenir, parce que, alors que lors de son engagement dans les services secrets, on ne s'en est guère soucié. Bah, oui, vous avez raison. Quoi qu'il en soit, Blunt va être interrogé à de nombreuses reprises, tout au long des années 50 et du début des années 60. Et quel résultat ? Apparemment, Blunt ne craque pas. Et puis les enquêteurs sont obligés de le ménager. Blunt est maintenant un historien d'art dont la réputation ne cesse de croître en Grande-Bretagne, mais aussi dans le monde entier. Il vient même de recevoir le titre de chevalier pour service rendu à la couronne. Eh ben... Cependant, c'est vrai, l'étau se resserre. Philby, dénoncé par le patron du FBI, Edgar Hoover, est sur le point d'être démasqué. Mais il est publiquement blanchi par le Premier ministre britannique, Harold Macmillan. Oui, mais ce n'est que partie remise, hein, puisque lui aussi finira par disparaître en URSS. En 1963, oui. Mais il y a aussi le meilleur ennemi de Blunt. Le meilleur ennemi, c'est qui ça ? Un écrivain et journaliste gallois, Goran Wiris, ami intime de Burgess et aussi une de ses recrues dans les années 30. Rhys jalouse depuis longtemps Blunt. Or, il sait, grâce à une confidence d'ivrogne de Burgess, que Blunt est aussi un espion des Soviétiques. Mmh. La menace est donc permanente pour et Blunt. Et déjà, en 1956, il a publié un article qui, sans nommer directement Blunt, le désigne assez clairement. Cependant, il faut attendre 1964 pour que Blunt soit démasqué. Alors, dans quelles conditions ? Le contre-espionnage interroge un Américain, un certain Michael Streich. Celui-ci, lorsqu'il étudiait à Cambridge, a été recruté par Blunt. Ah oui, et il dénonce Blunt ? Oui. Mais attendez, pour autant, est-ce que Blunt avoue là ? Non, non. Alors les chefs du contre-espionnage vont lui proposer un très curieux marché. S'il parle, s'il dit tout ce qu'il sait, il lui sera proposé une totale immunité judiciaire. Ah, et Blunt accepte ? En effet. Et il livre la vérité sur ses activités passées et ce club des taupes de Cambridge. À noter que le même marché sera aussi proposé au cinquième homme, John Cairncross, qui acceptera lui aussi et finira paisiblement ses jours dans le midi de la France. Mais revenons à ce curieux marché. Blunt n'avait plus de contact avec les Soviétiques depuis presque 15 ans. À quoi pouvaient servir ses aveux puisqu'il avait coupé tout lien avec le monde du renseignement ? Non, je vous le dis tout net, dans cette affaire, tout était pipé. Ah oui, mais alors expliquez-vous là. Ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est que les services secrets, déjà échaudés par toute une série de scandales, ont voulu éviter une nouvelle fois d'être montrés du doigt. La deuxième explication, je l'ai déjà esquissée, j'y reviendrai à la fin de notre entretien. Les services avaient des choses à cacher. Mais poursuivons encore un instant. Blunt, démasqué, continue à vivre très normalement et se rend régulièrement près de la reine. Est-ce que Elisabeth a été informée que son conseiller artistique était une ancienne taupe soviétique ? Je ne sais pas. Mais si elle a été informée, elle a fait comme si de rien n'était. Et elle a apparemment continué à faire confiance à son conseiller qui était par ailleurs un excellent historien de l'art. Étonné, je ne suis même pas sûr que le Premier ministre ait été tenu au courant. Cependant, les choses vont se gâter pour Blunt 15 ans plus tard, en 1979. Comment alors ? Cet ennemi dont je vous ai parlé. Ah oui, Gornoui Riis, là. Hein. Oui, cet écrivain atteint par un cancer incurable décide soudain de dire tout ce qu'il sait sur Blunt. Et il se confie à un journaliste qui écrit un livre enquête sur les espions de Cambridge. Mmh. Et Blunt va être ainsi publiquement dénoncé. Ce journaliste a beau l'affubler d'un pseudonyme, le portrait est transparent. Et rien ne pourra désormais empêcher le scandale. D'autant que le pouvoir s'en mêle. Margaret Thatcher vient alors de remporter les élections et d'être nommée Premier ministre. Elle va affronter de nombreuses difficultés sociales et économiques. L'affaire Blunt arrive à point. Et la dame de fer fonce. Ouais, comment agit-elle alors ? Alors que des journaux viennent d'accuser nommément Blunt. Oui, parce qu'à cause de ce pseudonyme, la trop transparence, oui, c'est ça. Ouais. Margaret Thatcher se débrouille pour qu'un député de l'opposition travailliste lui pose une question aux communes. Et aussitôt, elle déballe toute la vie d'espion de Blunt. Un coup politique, là. Et qui va occuper la presse un bon bout de temps. Ah oui. Et Blunt, lui C'est bien le dernier des soucis de la dame de fer. Ouais, alors, ouais. Protégé par cette immunité judiciaire qu'on lui a autrefois promise, il finira sa vie 4 ans plus tard dans la plus grande discrétion et même assez dignement, bien que régulièrement harcelé par la presse caniveau anglaise. Quant à Margaret Thatcher, elle protégera la reine en affirmant que si Blunt avait continué à exercer ses fonctions auprès d'Elisabeth II, c'était pour ne pas faire savoir aux Soviétiques qu'une de leurs taupes avait été démasquée. Oui, ça se comprend. Enfin, la vérité maintenant, plutôt votre vérité. En cherchant dans les archives soviétiques, celles qui ont été brièvement ouvertes sous la présidence de Boris Eltsine, on découvre qu'Arnold Deutsch a recruté pas moins de 17 agents à Cambridge et ailleurs. Ah oui, alors beaucoup manquent à l'appel, ça ? C'est pourquoi je crois que ces taupes n'ont pas été toutes identifiées. Ou bien alors qu'en révélant la spectaculaire traîtrise des 5 de Cambridge, on a voulu aussi élever un véritable rideau de fumée pour protéger ces taupes. Mmh. Alors l'affaire Blunt aurait aussi servi à cela ? C'est très possible, parce qu'à partir du cas Blunt, on pouvait écrire un vrai roman feuilleton. Et je pense en particulier aux journaux populaires, la presse du caniveau, comme on l'appelle. Il y avait tout pour les exciter. Le rang social du personnage, représentant exécré de cette classe snob et imbue d'elle-même, son intellectualisme, sa proximité avec la famille royale, et surtout, son homosexualité. Et pendant ce temps, on ne cherchait pas là ou les autres taupes. C'est ce que je pense, oui. Des questions, oui. Beaucoup de questions demeurent. Le philosophe et critique George Steiner, qui s'est intéressé à cette affaire en 1980 dans un article intitulé « Le clerc de la trahison », rédigé pour le New Yorker, a pu écrire ceci. Un examen rapide du récit suffit pour montrer qu'il est parsemé de lacunes, de questions sans réponse et d'invraisemblances au point d'en être quasiment inutile. Admettons qu'en 1940, il y a eu quelques désordres dans le recrutement. Néanmoins, comment se peut-il que le MI5, le MI5 en français, ait négligé au moment même du pacte Hitler-Staline ce que Blunt avait exposé de ses sentiments dans les colonnes du Spectateur et dans son essai de 1937? Qui a enterré ou soustrait un dossier remis au MI5 dès 1939 par Walter Krivitsky, général soviétique en fuite, un dossier où c'est tout juste si Blunt n'était pas identifié? Il est inévitable qu'on en déduise une protection efficace en très haut lieu. Voilà une double vie placée sous un charme dès le départ. Comment a-t-on pu permettre à Blunt, qui avait bel et bien partagé un appartement avec Burgess, de glisser entre les mailles du filet lors du fracas de 1951? Rien n'est bien plausible de ce qui concerne la confession de 1964 et la garantie d'immunité. Et un peu plus loin, Steiner conclut « Une fois de plus, on pense à un ange gardien ou à une cohorte d'anges gardiens planant dans de très hautes sphères. Un philosophe d'Oxford, homme de longue expérience et d'une perspicacité sans défaut, membre de ce cercle béni qu'est le beau monde des mandarins britanniques, m'a dit carrément que l'histoire Blunt, telle qu'on l'a racontée au peuple, est à bien des égards une invention. On l'a conçu et divulgué précisément pour tendre un écran de fumée derrière lequel d'autres personnages éminents du drame puissent déguerpir et se mettre en sûreté. »